conséquence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarès, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5h. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1965, première émission. 1965, ce n'est pas si loin de nous. Mis à part quelques détails vestimentaires ou coupes de cheveux, nous ressemblons à l'honnête homme ou à l'honnête femme de 1965. Des femmes et des hommes informés, à l'époque, qu'ils vivaient une période économique favorable, qu'on n'appelait pas encore, on s'en doute, les Trente Glorieuses. Comment se cultivait, comment se distrayait l'honnête femme ou l'honnête homme en 1965 ? Le cinéma, la presse, les chansons, le théâtre, la littérature peuvent nous renseigner. Et, bien sûr, et avant tout, en ce qui nous concerne, la radio. La radio était là. La radio témoignait. Elle savait, vraisemblablement, qu'elle nourrissait ce qui allait devenir notre mémoire. La preuve, l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, nous la restitue, cette mémoire, l'ayant pieusement archivée. Comment se comportait l'honnête homme en 1965 ? Renseignons-nous brièvement du côté de la très sérieuse Tribune des Critiques, diffusée sur France Culture le 20 janvier 1965. La Tribune des Critiques, magazine littéraire, artistique et dramatique. Avec Roger Lénard, Pierre Delatille, Denis Roche, Claude Durand, Luc Estan et Roger Grenier, Pierre Barbier présente la Tribune des Critiques. Aujourd'hui, l'honnête homme en 1965. Réalisation Pierre Barbier. L'honnête homme en 1965, c'est évidemment une grave question en ces temps de spécialisation. Peut-on de nos jours être encore un honnête homme ? 1000 problèmes à ce propos nous assaillent, problèmes eux-mêmes à multiples facettes. Qu'est-ce que l'honnête homme 1965, Pierre Delatille ? Mais je répondrai par une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Bernard Chauve, que je paraphrase. Bernard Chauve a dit, en posant d'ailleurs le problème crucial qui nous réunit, le savant est l'homme qui sait de plus en plus de choses sur un domaine de plus en plus étroit, si bien qu'il finit par savoir tout sur rien. Il y a une phrase à la Chauve là-dedans. Moi, je dis par une même acrobatie verbale, l'honnête homme est celui qui sait rien sur tout. Et personnellement, c'est ma règle de conduite dans la vie. Luc Estan. Mais il est très remarquable que cette définition de Pierre Delatille rejoigne celle du 17e. On sait que, dans le sens du 17e, l'honnête homme est celui qui ne se piquait de rien. C'était le contraire d'un spécialiste. Et il semble aujourd'hui, je crois que ça pourrait être un sujet de réflexion entre nous, de débat, qu'il est bien difficile en effet de se piquer de tout. Et qu'à partir du moment où on constatera qu'on ne peut pas se piquer de tout, d'une égale connaissance, pour simplifier, à l'égard de la culture dite littéraire, dite classique, et de la culture scientifique, on se sent véritablement impuissant. Mais vous voyez un peu le sens paradoxal de mon interrogation. Est-ce que l'honnête homme, aujourd'hui, est réduit à être un ignorant conscient? Nous pouvons décider, cela dit, que l'année 1965 ne commence pas le 1er janvier. Tenez, voici une émission diffusée quelques semaines plus tard sur France Culture et qu'il convient d'écouter avec attention. La régénération des hommes mûrs atteint de sénilité précoce. Un colloque de gérontologie organisé par Miss Tinel Posevi en l'abbaye des Petits Ménages. En ce colloque pour la régénération des hommes mûrs atteints de sénilité précoce, Miss Tinel Posevi a pu réunir ce soir quelques témoins et spécialistes. Malgré les difficultés de communication dans certaines zones de la compréhension humaine. Ceux-ci se trouvent là, tout près de nous, et il nous suffira de leur passer le micro pour recueillir et vous transmettre leurs propos. Miss Tinel Posevi, pourquoi avez-vous provoqué ce colloque ? Nous avons provoqué et convoqué ce colloque parce que nous croyons, parce que nous savons que, sous des formes diverses et subtiles, parmi lesquelles certains ne craignent pas de ranger les dépressions nerveuses, ce mal dû peut-être à un virus, cette sorte d'affaiblissement psychique, psychosomatique et sexuel, évidemment, est une des menaces des plus graves qui pèsent sur notre société et sur nos individus. Mais présentons d'abord le premier de nos hôtes. Monsieur, vous avez bien été atteint vous-même de cette maladie. Et vous, monsieur, vous êtes bien celui qui a été pareillement atteint, mais qui est sur la voie de la guérison. Je crois que j'ai eu surtout assez sec. Alors il y a un peu de complexe. Il n'avait pas le temps beaucoup d'y réfléchir ou de se faire Voulez-vous nous dire comment vous êtes tombé malade, puis comment vous avez été mis sur la voie de la guérison, mais très brièvement, s'il vous plaît. Je ne suis pas Oui, évidemment. Pouvez-vous, monsieur, qui êtes parfaitement régénéré, nous dire simplement votre nom ? Ce n'est pas... Merci, monsieur. Vous vous êtes très clairement exprimé. Je me tourne maintenant vers les spécialistes. Docteur, vous êtes un as de la régénération et... Oh, pardonnez-moi. J'ignorais que vous fussiez un spécialiste à double titre, si j'ose dire, puisque vous avez été atteint vous-même de cette maladie. Eh bien, voulez-vous la décrire ? Voulez-vous vous rapprocher un peu du micro, s'il vous plaît ? On vous entend mal. Parfait. Maintenant, continue, docteur. Non, restez assis, je vous prie. J'aimerais, docteur, que vous complétiez l'exposé clinique que vient de faire votre confrère. Ça me paraît indispensable, en dehors de mon travail, Calmez-vous, docteur, et répétez ce que vous venez de dire qui me paraît très important. Vous êtes un spécialiste de la régénération, mais on n'a jamais su si vous avez été réellement atteint. Votre cas n'est pas clair. Silence ! Que chacun parle à son tour. Silence ! Le tour de chacun viendra quand je lui passerai la parole et quand celui-ci aura terminé ce qu'il avait commencé à dire. Monsieur, ne voulez-vous rien ajouter ? Et vous ? Madame ? Non. Très bien. Maintenant, nous savons de quoi il s'agit, ce qu'est cette maladie, comment elle se déclare et comment elle peut être soignée. C'est sans le concours des spécialistes que nous pouvons nous-mêmes tirer la conclusion de ce débat. Elle sera claire et nette. Cette émission de José Pivin fut diffusée sur France Culture le 1er avril 1965. Ce jour-là, les émissions habituelles avaient laissé place à leurs presque semblables, des pastiches, des parodies, dont voici quelques titres. Projet d'utilisation des clochards, si vous êtes sourd, écoutez Beethoven, ou encore le magazine galactique des sciences inexactes. Oui, France Culture, une journée entière placée sous le signe du poisson d'avril. Quelle époque tout de même. Police ! L'émission qui suit n'a pas été diffusée un 1er avril, mais avec Salvador Dali, on est toujours un peu le 1er avril. En ce moment, vous êtes congelé ou non ? Non. Mais il faut tenir compte que j'ai réalisé un acte d'hivernation et d'antigravitation historique. Le jour où j'ai eu l'honneur de rencontrer le docteur Pagès, au cœur de la gare de Perpignan, et j'ai crié « Vive l'hivernation, vive l'antigravitation !» Parce que maintenant, une cellule vivante... Il faut considérer que c'est une espèce de punaise qui est écrasée constamment par la tension de la gravitation. Alors, aussitôt qu'il n'y a pas de gravitation, alors il n'y a pas de raison pour que la cellule vieillisse aussi vite qu'il le fait maintenant. Alors, en plus, comme tout le monde sait déjà depuis 5 semaines, les Japonais ont obtenu de faire revivre un cerveau de chat qui avait été congelé, qui avait été soumis à des températures, je crois, moins de 28 degrés pendant 1 an et demi. Évidemment, l'hivernation crée des problèmes très graves. Par exemple, est-ce que, comme il a dit le docteur Ettinger, est-ce que les morts auront le droit de voter ou pas? Quand vous serez congelé, comment fera-t-on pour rompre la glace avec vous? Ça, c'est justement la chose qu'on ne sait pas, parce qu'ils ne disent pas quand, comment et dans quelles circonstances on pourra remettre les gens, on pourra dépanner les morts. Maintenant, une chose est certaine, c'est que le jour que Dali sera dépanné de sa mort, il sera remis en état de crétiniser les foules de nouveau, alors je me réveille et naturellement, télévision, conférences de presse et tous les moyens de crétinisation mondiale. Et vous ne serez plus de glace, alors? Comment? Avec toi, il faudrait toujours vivre. Avec toi, il faudrait toujours jouer. La comédie, la comédie, la comédie. Tu voudrais que je sois espagnol, que je chante en fa en sol tous les airs de flamenco. Tu voudrais que j'aie un habit d'or, le regard de matador de Rudolf Valentino. Avec toi, il faudrait toujours dire. Ay, mi querida, mi querida. Avec toi, il faudrait toujours dire. Tu voudrais que je sois andalou, que je tombe à tes genoux avec une corde au cou. Tu voudrais que je sois riche et beau, racé comme un hidalgo qui n'a pas peur des taureaux. Avec toi, il faudrait toujours vivre. Il faudrait toujours jouer. La comédie, la comédie, la comédie. Mais je suis une porte des lilas et j'ai la passionata sur les fortifications. Je n'ai pas de châteaux en Espagne, mais pays sont de cocagne. Je travaille à chez... Oh non! France Culture, les années 60, 1965. En 1965, les auditeurs étaient aussi des téléspectateurs, des cinéphiles. Ils voyageaient, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, et pour les captiver quotidiennement dans l'écoute d'un feuilleton, il fallait l'exotisme, le suspense, des beaux gosses et des femmes fatales. Beyrouth, ville en paix, mais truffée d'espions de radio en tout cas, Beyrouth était idéal pour ce dépaysement. Extrait de l'un des épisodes de La Dame de Beyrouth, diffusé sur France Inter le 2 février 1965. Oui, il est 7h. Ah bon, merci. Oui, merci. Il est bien tôt ce matin, et c'est merveilleux d'ailleurs. La chaleur ne s'est pas encore abattue sur Beyrouth. Je vais faire une bonne séance de footing qui va me permettre, par le chemin des écoliers, d'atteindre le domicile du professeur Gros. Le pittoresque quartier de Minet El On est calme. Déjà, les pêcheurs sont rentrés et les prétentieux Chris Craft, d'ordinaire si bruyants, se reposent. C'est délicieux, vraiment. Seul, le clapotis des vagues. Et, de temps à autre, l'appel d'un marchand ambulant du matin trouble cette tranquillité. Voici l'esplanade de l'horloge, où le grand sérail et le palais de justice se font face. La justice d'un côté, les ministères de l'autre, bien sûr, car cela n'a aucun rapport. Une foule colorée a envahi l'immense quadrilatère où sans cesse se côtoient les petits métiers. Là, les inévitables petits marchands de chewing-gum, bien sûr. Ici, muni d'un fourneau datant d'une autre ère, trimballé sur une carriole bancale, le marchand de maïs grillé. Face à lui, son concurrent vend les cakes, énormes galettes très cuites parfumées au sésame. Là-bas, les géants soudanais, spécialistes de cacahuètes, des berjaouis chargés comme des boriques, des crieurs de journaux, des sireurs, des camelots. Et enfin, génial, inventif, le marchand de billets de loterie. Lui a abandonné la formule Boukra El Sab, demain le tirage. Non, simplement, il se borne à laisser choir un billet de loterie sous le nez de chaque passant, d'apparence cossue. Et 9 fois sur 10, évidemment, l'autre revient sur ses pas, le ramasse et l'achète. Car un proverbe arabe, vieux comme le monde, dit « Il faut saisir la chance qui tombe à tes pieds ». Et voici enfin la rue Ibrahim Avrani, où m'attend Adolphe Gros. Oui, voilà. Oh là. Ah, bonjour. Entre, Robert est déjà là. Enfin, Bernard, te voilà. Salut, mon bon Jules. Ah, voilà le café, mais je ne trouve plus la pince à sucre. Mais on s'en fout, Adolphe, assieds-toi. Et faisons le point. Moi, voilà ce que j'ai fait. Sur tes indications, j'ai fait parvenir au patron la copie de la lettre Brown & Co. à Wafik Badora. Parfait. Accompagnée d'une petite note. Il te félicite. Venons-en maintenant à Zale. Bernard, nous t'écoutons. Voilà, la chance a voulu que j'assiste au cours de la soirée à une communication téléphonique entre le colonel Boustany et un certain Tabet, qu'il appelait d'Alexandrie. Compte tenu des renseignements que je possédais déjà, il se confirme que les armes arriveraient à Beyrouth ce matin à 9h, et elles seraient livrées dès jeudi soir, c'est-à-dire dans 3 jours. Livrées où, comment, alors ça je n'ai encore pu le savoir. Depuis d'ailleurs, je me creuse la tête sans résultat. Il était question en tout cas, au cours de la conversation téléphonique, d'une formule composée de 2 lettres, M, B, et de 2 chiffres, 06. M, B, oui, et 06. C'est ça. Alors, j'ai cru comprendre aussi que le colonel recevait chaque jour chez lui des messages à 15 heures. C'est tout? Non, ce n'est pas tout. J'ai fait au cours de cette soirée une conquête. Il y avait longtemps que... Eh oui, il s'agit d'une Française, nommée Jeanne Martin. Ah ah! Ah bon? Tu connais? Continue. Ah, parfait. Sans embâge, elle m'a laissé clairement entendre que, mon Dieu, je lui plaisais beaucoup. Bon. Votre chère Jeanne Martin. Ah. C'est une Française, ancienne entraîneuse d'une élégante boîte de nuit de Beyrouth, le Kit Kat. Théoriquement, l'ami de Watson, mais qui travaille plus activement que lui pour l'intelligence service. بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا عالأبصارنا حلو ينسانا الطير الشادي ونحن حكاية. Un extrait du 12e épisode de La Dame de Beyrouth, ou Bérou, grand feuilleton d'aventure de Marcel Sicard après le roman de Jean-Marie Audibert, avec le concours, vous l'aviez reconnu, de Pierre-Jean Vaillard et avec Pierre Nègre, Jean Bourgogne et Pierre Fromont. Réalisation Marcel Sicard. Tel était l'exotisme, bien vu du reste, pour les grands, les adultes. Mais pour les enfants, depuis peu et de plus en plus, ces enfants, certes encore auditeurs de radio, portaient également leur attention sur un gros téléviseur dont l'image noire et blanche tremblait parfois, image sur laquelle des lignes blanches glissaient sans raison, déformaient les visages, un poste sur lequel il fallait taper pour rétablir une bonne qualité. À moins qu'on aperçoive le carton suivant. Dans quelques instants, la suite de notre programme. Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Bref, les enfants étaient aussi des téléspectateurs et bénéficiaient de leur propre séquence du spectateur, la séquence du jeune spectateur. Vous en souvenez-vous? Peut-être est-ce de là qu'est venue votre regrettable addiction pour la télévision. N'est pas chat de gouttière, ni d'une race trop fière. C'est tout simplement un chat d'agrément. Oui, vraiment. Claire vous dit bonjour. Ah, j'ai vu avant-hier sur la plage un petit garçon qui jouait avec un pistolet à eau et qui embêtait tout le monde. Pour lui faire peur et pour qu'il reste un peu tranquille, je vais lui montrer un film de Rintintin où Rusty sait pourtant bien se servir de son fusil. Et vous allez voir comment il tire. Eh bien, il va avoir des ennuis à cause de cette arme. Nous trouvons O'Hara en compagnie de Boone, en train de raconter ses bonnes histoires. On parle encore de cet étonnant concours de tir. Le général était abasourdi. O'Hara qui m'a dit... Ah oui, il m'appelait toujours O'Hara. O'Hara, c'est le plus beau tir que j'ai jamais vu. Mince. Ah, tu m'as abasourdi aussi, O'Hara. Dis-moi un peu, comment s'appelait ce général aveugle? Ma foi, c'était un gars très chic, mais qui ne vous tapait sur l'épaule que si vous le méritiez. Un jour, je m'en souviens... Il me semble que tu as dit un général aveugle. Tu sais, Rusty, je suis vraiment étonné qu'avec son adresse légendaire, O'Hara prenne la peine de venir s'entraîner pour le concours de tir. Oui, eh ben, laisse-moi te dire une chose. Si tu marques 1 ou 2 points, c'est à la chance que tu le devras. Eh ben, si t'arrives à toucher la cible, t'auras une sacrée veine. Oui? Eh, on va voir ça tout de suite. Mais O'Hara... Attends un moment, Rusty, je vais donner une petite leçon à Boone. Rintintin essaie de vous dire... Silence, caporal. Tu ferais peut-être bien de me regarder, toi aussi. Ha ha ha! n'oublie pas cette leçon, Rusty. Voilà la méthode du roi des tireurs. Un dada essayait de vous dire qu'il n'était pas chargé. Oui. C'est entendu, les enfants souhaitaient revoir Rintintin dans la séquence du jeune téléspectateur, de vieux épisodes des années 50 sans doute. Mais par ailleurs, que lisait-il ? Réponse, des bandes dessinées. Les adultes se devaient donc de s'interroger sur la valeur éducative, sinon édifiante, de cette pratique culturelle qui gagnait aussi les parents, lecteurs des quotidiens nationaux. Les bandes dessinées. Deux émissions composées par Claude Frère et Nicole Felouza. Aujourd'hui, première partie, un moyen d'expression. Quelles que soient les difficultés rencontrées par les dessinateurs et les scénaristes, les bandes dessinées apparaissent de plus en plus nombreuses dans la presse. Importé en 1935 à l'intention des enfants européens par Paul Winkler, qui allait lancer le journal de Mickey, elles se sont infiltrées après la guerre dans les quotidiens pour adultes. Leur succès va croissant. Paul Collin, vous êtes secrétaire général du Parisien Libéré. Depuis combien de temps votre journal publie-t-il des bandes dessinées ? La première bande dessinée qui est apparue dans les pages de notre journal s'appelle Oscar. Je dis « s'appelle » parce qu'elle existe encore. Cette bande est apparue pour la première fois en 1949. Comment voyez-vous la distraction du lecteur du Parisien Libéré ? Nous avons demandé à 1000 de nos lecteurs, spécialement à Paris et dans la région parisienne, ce qu'ils pensaient de nos bandes dessinées. La bande dessinée qu'ils ont mise la première, c'est la bande quotidienne horizontale appelée « Zoé ». Zoé, vous la connaissez. Zoé, c'est une petite fille, telle qu'on peut la trouver dans n'importe laquelle de nos villes françaises ou de nos cités françaises, une petite espiègle qui s'amuse tous les jours en fonction même des données de l'actualité. Elle rentre en classe au moment où les enfants rentrent en classe, elle fait du ski au moment où les enfants vont à la neige. Et à côté de Zoé ? À côté de Zoé, et ceci est extrêmement intéressant, c'est la bande d'informations historiques qui arrive la seconde. Nous avons, il y a 10 ans maintenant, créé une bande à laquelle nous avons donné le titre de l'un des livres d'Anatole de Monzy, « Destin hors série ». Et vous apercevez qu'à travers cette bande, nous faisons voir et entendre à nos lecteurs quelle a été la vie de toute une série de personnages qui ont marqué dans l'histoire. Nous croyons, vous voyez, que dans une page entière de bande dessinée, chacun doit un peu trouver, évidemment, ce qui correspond à son goût principal. Ainsi, vous trouverez dans notre page une bande qui est le célèbre Popeye aux épinards, qui est la bande drôle. Vous trouverez une bande qui est une bande d'aventure tirée des romans de Jean Bruce. Vous trouverez alors le destin hors série. Et puis vous trouverez une bande de romans d'amour, de romans d'aventure. Vous voyez, nous mélangeons un peu tous les genres de façon à ce que chacun ait à sa fin. Est-ce que vous pensez que l'apparition d'une page de bande dessinée a pu faire monter les tirages du Parisien Libéré ? Je ne suis pas affirmatif. Ce que je peux constater avec certitude, c'est que la présence d'une bande dessinée attrayante, ou de plusieurs bandes dessinées attrayantes dans un journal, est un élément très favorable tout de même pour la fidélité à la vente. Ce rôle de distraction, les responsables de la presse enfantine le concèdent volontiers aux bandes dessinées. Mais encore plus optimistes quant à l'avenir du genre, ils vont jusqu'à lui accorder sous certaines conditions un rôle éducatif. Georges Dargaud, vous êtes directeur de Tintin. Comment concevez-vous un journal pour la jeunesse ? Tintin est avant tout un journal de bande dessinée, mais de bande dessinée pouvant être lue par les jeunes de 7 à 77 ans. Je voulais vous demander si vos lecteurs vous font part de leur goût, de leur désir par un courrier. Et dans quelle mesure répondez-vous à ces désirs ? Nous connaissons à peu près les goûts de nos lecteurs par les courriers et par des enquêtes que nous faisons faire périodiquement. Il est difficile de déterminer les goûts des diverses couches de lecteurs. Tous les jeunes qui s'intéressent aux journaux du type de Tintin se rejoignent apparemment sur les mêmes centres d'intérêt. Notons toutefois que les élèves des grandes écoles qui cherchent volontiers un peu de détente dans la lecture de notre journal ont une préférence marquée pour le comique. D'ailleurs, les histoires de Tintin sont généralement comiques. Attribuez-vous aux bandes dessinées un rôle éducatif? Il n'est pas a priori dans la vocation des bandes dessinées d'avoir un rôle vraiment éducatif. Mais nos jeunes lecteurs apprennent toutefois beaucoup de choses en les lisant, et pas seulement lorsque nous publions des récits sur des hommes célèbres ou des épisodes tirés de l'histoire. Nous avons le plus grand souci de l'exactitude en toutes choses. Les jeunes sont d'ailleurs beaucoup moins indulgents que les adultes en ce qui concerne les erreurs journalistiques. Nous nous efforçons aussi de respecter au mieux la langue française. La principale vertu éducative d'un journal comme le nôtre, c'est peut-être de détourner le jeune de la lecture de publications destinées aux adultes qui ne s'imposent pas avec rigueur les mêmes règles. Est-ce que dans vos ateliers, les dessinateurs sont spécialisés comme dans celui de Walt Disney? Nous n'avons pas encore l'organisation industrielle des Américains. Et par exemple, pour ne citer qu'un cas, Hergé dessine absolument ses bandes dessinées tout lui-même. Ses collaborateurs ne s'occupent que de la documentation. Pensez-vous tout de même que certaines bandes puissent être nocives? Nous nous efforçons en effet de demeurer très strictement dans les limites de la morale et du bon goût, c'est-à-dire que nous bannissons systématiquement tout ce qui pourrait avoir une influence fâcheuse sur les jeunes, la violence, la moralité, la crudité du langage. Il y a bien sûr des publications de bandes dessinées qui ne respectent moins ces critères, mais il ne faut pas exagérer leur nocivité par rapport à de nombreuses publications que nos lecteurs lisent et qui appartiennent au domaine des adultes. Nous avons d'ailleurs créé à ce sujet une association qui a pour but de défendre et de promouvoir la bande dessinée auprès des éducateurs et auprès des pouvoirs publics et auprès des parents. C'était Les bandes dessinées. Deux émissions composées par Claude Frère et Nicole Felouza. Aujourd'hui, première partie, un moyen d'expression. Nous avons entendu aboyer Rintintin tout à l'heure. Rintintin était américain, mais nous avions, nous, français, en 1965, sur notre télévision nationale, notre chien national. Une chienne, en fait. Souviens-toi du temps où tu venais chaque soir pour me rencontrer. Tu passais si belle que j'en rêvais, tu le sais. Angelina, elle a mal à la tête. Elle voudrait de l'aspirine. Encore? Mais le docteur lui en a apporté un tube il y a deux jours. Ben, elle en fait une consommation. Ben oui, mais elle ne mange pas, elle les met dans l'armoire. Ah? Ah ben, je vais te chercher ça. Dis donc, tu pourrais pas mettre ton chien dehors? Oh bon, non. Bon, bon. Eh, dis, Angelina, elle a dit que je demande au docteur, pas toi. Ah bon? Eh ben, alors, va t'asseoir et attends, mon garçon. Et surtout que ton chien ne me salisse rien, hein? Asseyez-vous là, monsieur le maire, je vous donne ça tout de suite. J'ai apporté l'aspirine à Angelina tout à l'heure. Voilà, monsieur le maire, vous vous en mettez 5 gouttes dans un verre d'eau et vous prenez ça le matin à jeun. Merci, docteur. Vous ne pouvez pas savoir le bien que vous m'avez fait. J'ai peur que ce soit grave. Pensez-vous. Un peu d'essoufflement, rien de plus. Oui, mais j'avais comme des angoisses. Et ça m'a pris, tenez, en redescendant du bar le jour de la battue. Bien fait. Il y a des moments où cet enfant-là aurait besoin d'une bonne correction. Mm-hmm. En tous les cas, mon garçon, tu tombes bien. Je voulais justement te parler de ta chienne et j'en cherchais l'occasion. Belle appartient à un chenil. Alors, tu es le principal intéressé dans cette affaire. Je crois qu'il est honnête que je t'en parle. Alors, ne t'inquiète pas. Il s'agit de quelque chose de bien normal. On ne fera pas de mal. Ben, bref, puisque ce chien est retrouvé et calmé, il faut le rendre chez Neil d'où il vient. Ah, non! Ben, il va encore te mettre en prison! Que j'aime tant, je t'attendrai. Belle et Sébastien de Cécile Aubry avec le petit Mehdi, l'un des grands succès télévisuels de l'année. Près de moi, ma belle, tu viendras. Nous ferons, alors si tu le veux, ce jour-là, le beau voyage à deux. Belle, si tu le veux, nous serons deux. Exotisme pour auditeurs adultes avec La Dame de Beyrouth, la bande dessinée de Bonne Tenue pour les enfants, puis Les aventures d'un petit garçon et d'une brave chienne en butte aux méchancetés des adultes pour tout public. Poursuivons notre exploration de la fiction. Rendez-vous au cinéma cette fois pour assister au début d'une grande carrière, une carrière durable. Inutile de vous présenter, je pense, Angélique, marquise des Anges. Cette petite sœur de Caroline Chéry, d'Ambre et de Scarlett O'Hara a fait trembler ou s'attendrir les lecteurs et les lectrices des bandes dessinées pendant des années, et maintenant elle se présente à l'écran sous les traits de Michel Mercier. Le film de Bernard Bordery est exactement du niveau des bandes dessinées, et les innombrables et fidèles courtisans d'Angélique retrouveront en très jolies couleurs et en mouvement ce qui les avait enchantés sur les pages de leur journal habituel. Donc Angélique, Michel Mercier, est une jeune fille noble qui vit à la campagne, chez son père, gentilhomme plus ou moins ruiné, et auprès d'une sœur qui ne l'égale ni en beauté, ni en audace. J'ai le regret de vous présenter ma sœur, Angélique. Au lieu d'aller courir les champs dans n'importe quelle tenue, tu aurais pu accueillir avec nous Maître Fallot, conseiller au Parlement à Paris. Mon fiancé, si je n'étais pas sortie, je n'aurais pas pu donner l'alarme aux autres villages. Non, je ne comprends pas comment notre père peut tolérer ces dévergondages. Je vais t'habiller. Je vous choque, ma mère. Je vous choque, mon frère. Je vous choque, monsieur conseiller. Et ne fais pas de mauvais esprit, veux-tu? Il vaut mieux ça que pas en avoir du tout. Crois-tu que ta beauté peut tout te permettre? Ta aide. En un pareil moment, est-il bon, mes sœurs, de vous dresser l'une contre l'autre? Elle me doit le respect. Vous allez me devoir la vie. Dieu vous entende, mademoiselle. Prions. Or, un jour, au château, monsieur, frère du roi, et le prince de Condé font halte pour la nuit. Ce serait peut-être pour le baron une occasion de rentrer en grâce, mais Angélique, qui n'est pas une de ces jeunes filles qui se contentent de faire de la tapisserie, a surpris un secret monstrueux. Bien sûr, lors du dîner, elle ne résistera pas à profiter de ce qu'elle a entendu pour mettre dans l'embarras le prince de Condé. Ce pauvre sensé aime tellement ses troupeaux qu'il ne se déplace jamais sans leur odeur. Il vaut mieux sentir le purin que le fiel. Nous, au moins, nous ne préparons pas l'assassinat du roi. Oh. Monseigneur le prince de Condé. Monseigneur, ma fille. Qu'est-ce que je dis d'extraordinaire? Quand on complote, c'est toujours pour tuer le roi. Regardez Jules César. Cette petite est impayable. On est amoureuse de Jules César. Je comprends que l'on aime la guerre des Gaules, c'est un récit vif et cruel, et la plus grande gloire de César. Vous connaissez? Non, monseigneur. Eh bien, il faut l'apprendre. 5 bonnes années de latin dans un bon couvent, à Poitiers. La Fronde est ravie de vous offrir vos études. Qu'en dites-vous, Baron ? Angélique, qui commence à s'apercevoir que la raison du prince est toujours la meilleure, sortira du couvent seulement pour se marier. Encore ce mariage ne sera-t-il qu'une bonne affaire pour le baron, son père, le bonheur d'une jeune fille étant en ce temps-là le cadet des soucis d'une famille. Ce mari, que chacun décrit à la pauvre Angélique comme plus que laid, comme un véritable monstre, sera une déception pour le spectateur, il faut l'avouer. Car nous portons tous une petite dose de sadisme en nous et nous ne détestons pas voir la belle livrée à la bête. Mais ici, la bête, ce n'est que Robert Hossein. Et on a beau lui avoir dessiné une grande cicatrice sur la joue et l'avoir dotée d'une jambe un peu raide, il reste encore un beau ténébreux sur son bon profil et on n'est pas étonné du tout de voir Angélique, d'abord effarouchée par la réputation du comte de Perrac, succomber bientôt à ses charmes. Je voulais vous remercier pour cette nuit. De vous avoir laissé seul? Oui. Simple question de chevalerie. Je n'allais pas être assez maladroit pour dégoûter de l'amour une femme aussi belle que vous. Merci. Je vous en prie. Tout sacrifice porte sa récompense. Un jour, ce n'est pas une épouse que vous m'offrirez, mais une maîtresse. Ne vous faites pas d'illusions, monsieur, ni épouse, ni maîtresse. J'adore quand vous vous révoltez. Pourquoi m'avez-vous épousée? Avant de vous connaître pour la mine de plomb de votre père. Les affaires sont les affaires. Pour votre beauté, quand je vous ai vue. Et maintenant? Pour votre courage. Quand je vous tiendrai dans mes bras, il n'y aura pas d'homme plus heureux que moi. Vous ne me tiendrez jamais. Le temps adoucit les choses. Je vous demande simplement de rester toujours aussi belle. Angélique a d'autres tours dans son sac et nous pouvons nous attendre à revoir bientôt Michel Mercier remonté sur l'écran. Ce qui réjouira certainement les amateurs d'aventure et de films sans trop de prétentions philosophiques, ce qui est bien le cas de celui-ci. Ici, on ne peut plus rien contre toi. Pas même le roi, tu es à l'abri. Non, ce n'est plus l'Amérique que je t'offre, mais une citadelle, un rempart. Je t'offre la force qu'il faut pour te retrouver, pour repartir. Tu peux compter sur eux. Ce ne sont pas des démons. Sales gueules peut-être, mais braves types. Tu seras leur marquise, la marquise des anges. Angélique, il faut que tu vives. Nous sommes là. Il y a tes deux fils. Et puis il y a la vengeance et il y a nous tous. Angélique, il faut vivre, Angélique. Ah ça, des suites, il y en a eu, et semble-t-il tout aussi sublime. En 1965, on se rend aussi au théâtre, pas seulement au cinéma. Création, reprise, exemple, une pièce d'André Roussin, qui vient dans Rendez-vous à 5 heures, même émission sur France Inter, parler donc de sa pièce, du sujet de sa pièce avec les euphémismes de rigueur. L'Autruche est une comédie dont l'action a lieu au sein d'une famille bourgeoise composée du père, de la mère, de deux fils et de la grand-mère, par conséquent mère de la femme d'Hippolyte Barjeu. L'action se situe à Paris dans un salon où après le déjeuner, Hippolyte Barjeu se trouve avec un de ses cousins qui lui révèle ce qu'il savait au fond, mais qu'il essayait de se masquer, à savoir que son fils aîné est un garçon particulièrement efféminé et qui, d'après les goûts qu'il a pour la mode, la couture, etc., est évidemment un garçon qui n'est pas comme les autres. Alors, après cette révélation, Hippolyte, qui est ce père qui se veut aveugle, mais qui ne peut plus l'être, fait un scandale auprès de sa femme et de sa belle-mère, et finalement reste seul avec sa femme, qui, elle, sait les choses depuis longtemps, qui regarde les choses comme elles sont, et qui lui reproche violemment ce qu'il est, c'est-à-dire un homme qui, au fond, n'a jamais su que troubler les enfants par des propos souvent ridicules, toujours en contradiction, au fond, avec sa morale. Et c'est à cette scène-là, entre Thérèse et Hippolyte, que vous allez assister en l'écoutant, si j'ose dire. Je voudrais justement profiter de ton calme à toi pour régler la question de tout à l'heure. Quelle question ? Comment quelle question ? Tu hurles pendant un quart d'heure et tu décides que tu vas mettre Lolo à la porte ? Là-dessus, intermède au téléphone, et quand je reprends la conversation et qu'il y a tout de même de quoi m'intéresser un tout petit peu, tu me demandes de quoi il s'agit. Mais ça suffit pour aujourd'hui, cette histoire-là. Quoi ? Nous en parlerons un peu plus tard, si tu veux bien. Tu as changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis, j'ai changé d'humeur. Maintenant, ma décision est prise, je suis maître de moi et j'y pense plus, c'est tout. Et tu te prépares à aller au cinéma, peut-être? Je me prépare à rien du tout, je parle d'autre chose, simplement. Oui, eh bien moi pas, si tu permets. Oh, tu vas pas te mettre à me casser les oreilles? Oh, mais oui, justement, je vois pas pourquoi tu détiendrais là-dessus un monopole. J'ai deux ou trois choses à te dire et tu les entendras. Et calmement. Je t'écoute respectueusement. Je te dirais tout d'abord que si tu avais des projets pour ta soirée, tu peux les mettre à exécution sans attendre Lolo pour le jeter dehors. Parce que Lolo ne rentrera pas ce soir. Il est parti en week-end jusqu'à lundi. En week-end? Et avec quelle permission? La mienne. J'ai jugé aussi inutile que lui de provoquer de ta part une scène de 20 minutes pour une autorisation parfaitement normale à lui accorder. Parfaitement normale pour un monsieur qui a fichu le camp de la compagnie d'assurance où je l'avais casé. Tu ne l'aurais pas mis au pain sec et à l'eau dans sa chambre, n'est-ce pas? Alors je trouve encore préférable de le savoir 24 heures à la campagne qu'en train de tourner dans Paris et d'aller de bar au cinéma. Et avec qui ce week-end de monsieur? Avec son ami Robert, probablement. Tu sais bien qu'ils sont toujours ensemble. Avec son ami Robert? Et tu viens me dire ça dans le blanc de l'œil? Oh, je te le dis où je peux. Je n'arrive justement pas à rencontrer ton regard. Est-ce que tu aurais l'intention d'insinuer par là que tu me fais peur? Ce serait le comble. Je te demande si tu ne sais pas parfaitement depuis au moins 2 ans que Lolo a un ami qui s'appelle Robert, avec lequel il est déjà parti 20 fois en week-end ou en vacances. Ben évidemment, je le sais. Ben alors, pourquoi trouves-tu extraordinaire que je te parle de son ami Robert? Et m'accuses-tu de te dire dans le blanc de l'œil qu'ils sont encore aujourd'hui partis tous les deux? En quoi est-ce une chose énorme de ma part? Bon, bien, parfait, parce que tout est bien ainsi. N'en parlons plus, je me tais, il part avec son ami Robert, bravo. Je dois trouver ça très normal, entendu. Je te répète qu'il y a 2 ans que tu le trouves normal. Mais depuis 2 ans, je ne m'imaginais pas, je ne voulais pas penser... Enfin bon, je me tais. Voilà. Tu ne voulais pas penser. Ouais. Seulement moi, ça fait des années que je te vois ne pas vouloir penser. Quel grand bonheur pour moi. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1965. Un monument parisien, familier, mais malgré tout impressionnant, connu dans le monde entier. Impressionnant le jour, alors vous pensez, la nuit. Eh bien, là commence l'action criminelle d'un feuilleton télévisé qui tiendra en haleine la France entière et particulièrement les enfants terrorisés. Y a-t-il un fantôme dans le Louvre ? Telle est la question que tout Paris se pose. Le fantôme a été aperçu par trois personnes. Le gardien Gautret, le jeune étudiant André Bellegarde et le commissaire Ménardier chargé de l'enquête. Chaque fois, il a réussi à s'enfuir dans des conditions inexpliquées. Ménardier a beaucoup de soucis. Son enquête n'avance guère. D'autre part, le fantôme fait planer sur sa fille, Colette, une menace d'enlèvement. C'est une très étrange et très vieille dame, Lady Hodwin, qui a servi d'intermédiaire entre le fantôme et Ménardier. Elle a essayé d'obtenir de ce dernier qu'il étouffe l'affaire, sans succès bien sûr. Colette, elle, ne s'inquiète aucunement des dangers qu'elle court. Elle est plus intéressée par la liaison d'André Bellegarde et de Laurence Borel. Laurence est une jeune femme très lancée. Elle introduit André dans la haute société parisienne, en particulier chez un milliardaire, Williams. Colette, qui aime André, voit tout ceci d'un très mauvais œil. La situation est au point mort quand le gardien Gautret fait accidentellement une découverte capitale. La nuit, Gautret reviendra avec André. Les deux hommes ont au fait de découvrir l'entrée d'un souterrain, et là, dans les caves, ils assistent à une scène extraordinaire. Williams est là, devant le fantôme couché, immobile sur une table. Il semble lui insuffler la vie et lui donne l'ordre de partir une nouvelle fois à la recherche du trésor caché dans le Louvre. Ce trésor, ne serait-ce pas le métal de Paracelse ? C'est du moins l'hypothèse que formule André. Au terme de cette nuit stupéfiante, Gautret rentre chez lui, mais André reste dans la cave, décidé à exploiter jusqu'au bout leur succès. Quelques jours passent, André ne reparaît plus. Fou d'inquiétude, Gautret part à sa recherche. Mais Gautret en sera pour ses émotions, et il s'est inquiété pour rien. La réalité est bien différente de ce qu'il a imaginé. Non mais dis donc, t'es pas un peu cinglé ? Mais j'ai failli en crever, moi, de pas savoir ce que t'étais devenu. C'est tout maintenant. Et alors ? Je peux rien dire. Nous non plus, sinon c'est le début du troisième épisode de Belphégor, bien sûr, dans une réalisation de Claude Barma. Pensons à des choses plus futiles ou moins dramatiques. Écoutons Mireille, non, la vraie Mireille, celle du Petit Conservatoire de la Chanson. Une émission de divertissement, enfin ça dépend pour qui. Comment va la danse, Gobard ? Ah ben, je fais de très gros progrès et j'espère pouvoir vous présenter d'ici 15 jours à 3 semaines en flânant avec un numéro de claquette. Bon, de qui est la chanson ? La musique est de Francien Audrey. C'est une chanson nouvelle peut-être ? Oui, madame. Comment s'appelle la chanson ? Une gosse de 15 ans. Allons-y. À l'ombre parfumée d'un cerisier fleuri, les jambes repliées sous une jupe à plis, une gosse de 15 ans aux courbes bien formées, de ses 15 printemps défiait le monde entier quand elle m'a embrassée. Alors, je veux comprendre tout, pas seulement le début. Il y a un effort qu'il faut faire maintenant d'articulation indispensable. C'est parce que c'est souvent une espèce de pudeur de ne pas articuler. On ne peut pas faire le métier comme ça. C'est le moment que vous voulez faire sérieusement. Il faut deux fois plus articuler pour que ça arrive, non seulement aux spectateurs qui sont loin, mais aux auditeurs. Il faut que ça traverse tout un tas de fils et de mystères, ça. Alors faites un effort pour eux tout le temps. Vous allez traverser un grand moment de découragement maintenant. Terrible. Parce que depuis l'audition, où il y avait un petit quelque chose qui s'est, un petit bout du nez qui s'est montré, il n'y a aucun progrès. Mais ça, ça ne fait rien, ça arrive à tout le monde. Parce qu'il y a le moment où on ne comprend pas, et on peut ne pas comprendre pendant des mois. Tout d'un coup, un voile se déchire, c'est pour tout le monde comme ça. Et au contraire, plus on est jeune, plus ça fait ça. En ce moment, vous ne comprenez rien de ce que je vous demande, et vous me le prouvez. Alors, c'est pas votre faute, c'est peut-être même la mienne, parce que je n'ai pas su bien expliquer. Mais on arrive à un moment où vous allez être très malheureux. Ou alors, il faut que vous fassiez un tel effort sur vous-même pour essayer de passer ce cap, peut-être un peu plus vite. Je ne sais pas si vous le pouvez. On va toujours essayer. Alors, de toute façon, je travaille. Justement, voulez-vous essayer en faisant comme si vous faisiez une parodie de vous-même, comme si vous étiez en train de vous imiter ? Vous comprenez ? Mmh. Alors, ce que vous faites naturellement, ben, quand on imite, on amplifie. Voulez-vous essayer encore une fois ? À l'ombre parfumée d'un cerisier fleuri, les jambes repliées sous une jupe à plis, une gosse de 15 ans, aux courbes bien formées, de ses 15 printemps défiait le monde entier. Quand elle m'a embrassé bien maladroitement, en moi ça a tourné inexplicablement. J'aurais bien voulu fuir, mais je ne pouvais pas, et je n'aurais su dire ce qui se passait en moi. Ma gosse m'a quitté un beau matin d'été. Les arbres, plusieurs fois, ont changé de manteau. Le temps n'arrête pas, il file au grand galop. Je viens seul, à présent, sous notre cerisier. France Culture en partenariat avec l'INA, les années 60, aujourd'hui 1965, première émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage, Olivier Dupré. Réalisation, Annie Douelle. Une émission de Philippe Garbi, à suivre. Et d'ici là, à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.